trucks. J'viens pas du ghetto, je n'viens pas de cité, donc si je dois te niquer, je le ferai solo tout. Je connais des fils d'eux, mais je traîne pas avec eux. On se tape que pour faire du cash une fois ou deux. Je crains plus ma vie que ma mort. J'ai perdu des gens et j'en perdrai encore. Je parle peu et quand je loupe, c'est pour dire ce que je pense d'eux. À travers et à tort, je fume pour ne plus me rappeler de mes rêves. Stress et nerfs m'ont fait faire chevelure. Téméraire, des bagarres, j'en ai connu. D'amour et de sperme, j'ai repeint ses lèvres. À son haleine, je savais qu'elle était moche. Un verre de Daniel pour ne voir que ses formes. L'amour de la chair n'a pas que bonne odeur. Je la prends dans le noir pour ne pas voir ses cornes. J'aime la violence et voir le sang qui coule. Entendre mes ennemis dire pardon, sans leur pardonner. Baiser leur meuf en transmettant la ch'touille. J'suis très méchant quand couille tu me les casses. J'pourrais t'égorger, te voir te vider de ton sang. Finir mes jours en prison sans jamais regretter mes actes. J'marche tout seul parce que personne sait répondre. Dieu s'attend enfer et paradis. Les pauvres immigrés, les africains qui prient. Attendent des miracles mais ne voient que des tombes. Oui j't'ai trompé et cela part ta faute. M'a dit cette pute pour qui sentiment j'avais. M'a dit cette pute pour qui j'étais en bavé. M'a dit cette pute pour qui je n'ai fait que passer. Elle voulait la rose mais sans les épines. J'ai perdu du terrain comme en Palestine. J'ai disque d'or mais cela grâce au stream. Donc jaloux écrivir tweet hostile. Derrière moi ils parlèrent, aujourd'hui gros contrat je signe. Leur mère j'niquerai des copos. Envers faux négro, fausse radio, je n'aurai jamais d'estime. Jamais je ne courbe les chines. Dems Noir is the new black. Je vais le 9 sur le email, hashtag sur le vie. Dems Noir is the new black. Je mets le 9 sur le email, hashtag sur le V. Dems.